20h. Fun Radio. Clap your hands, move your feet, two steps back to the beat. Clap your hands, move your feet. 21h minuit. C'est l'After Fun Radio. Tout dépend de la façon de s'y prendre. J'ai pas 10 000 options, donc je casse tout maintenant. Je disparais un moment. J'suis devant ma zé intérieur blanc. La bouteille pèse une tonne, j'vois même pas de toute façon. Et tu dégages une aura qui fait des dégâts. L'impression qu'on se connaît déjà. Elle a mis les meufs du carré, ok. Que des méchants garçons, ok. Elle médite, elle se dit ça, yeah. Il est temps de se caser. Carré, ok. Méchants garçons, ok. Elle se dit ça, yeah. Il est temps de se caser. Plus trop besoin d'espace, j'arrive dans le nouveau Tesla. J'vois tout le monde en bizarre, ouais, nous on sort du bizarre. Un micro, une guitare, j'fais le tour du monde en Vesta. J'crois qu'elle vient de l'espace, je me perds dans son regard. Si jamais j'ai plus de quoi payer, est-ce que tu vas oublier? Tu te rappelleras qui j'étais, ton amitié maquillée. Du carré, ok. Que des méchants garçons, ok. Elle médite, elle se dit ça, yeah. Il est temps de se caser. Carré, ok. Méchants garçons, ok. Elle se dit ça, yeah. Il est temps de se caser. Le ghetto, il est là. Oh, le ghetto, il est là. Ghetto, il est là. Oh, le ghetto, il est là. Dis-moi, tu t'as fait ça pour mieux jouer. C'est vite, j'suis dégoûté. Dis-moi qui t'a fait ça, promis, j'vais m'en occuper. J'repasse ça hier soir, c'est passé vite, j'suis dégoûté. Elle a mis les meufs du carré, ok. Que des méchants garçons, ok. Elle médite, elle se dit ça, yeah. Il est temps de se caser. Carré, ok. Méchants garçons, ok. Elle se dit ça, yeah. Il est temps de se caser. Touche, ces deux hommes deviennent un succès à chaque fois, c'est incroyable. Soul King et Gims réunis avec Karaoke dans l'After Fun Radio. Émission mixée chaque soir en direct, la seule en radio avec Matt au platine et avec aussi vous tous les jeudis 23h minuit grâce au DJ de la semaine. Vous pouvez le devenir d'ailleurs, Matt. Hein. Exactement, ouais, alors attends, je rallume mon micro quand même, c'est bon, le gars est là. Vous envoyez un mail à dj@funradio.fr avec évidemment vos coordonnées, votre nom, prénom, tout ça, enfin tout ce qui va avec, votre pseudo, l'endroit où vous êtes résident, faut bien nous le préciser, puis surtout votre mix que vous avez fait spécialement pour l'occasion, pour venir mixer avec nous sur Fun Radio entre 23h et minuit le jeudi soir, un mix de 20-30 minutes à peu près évidemment. Si on vous rappelle, c'est peut-être que vous allez être notre DJ de la semaine et mixer avec nous donc le jeudi soir. En attendant, tous vos sons préférés sont là sur Fun, que des kiffins, avec un énorme classique. Alors là, on parle de classique, mais juste dingue. À l'époque, c'était quoi? Début des années 2000 aussi? The Drill. The Drill, ça a marqué vraiment une période. On va l'écouter dans un instant. Armin Van Buren aussi, qui arrive en association avec Alok. Et puis là, dès maintenant, ça, c'est un kiff ultime aussi en ce moment. C'est le boss David Guetta. La reprise d'Alphaville avec la voix d'Avamax Forever Young. Remix exclusive de A7S. On l'avait découvert avec Topic, ce gars-là. Et le remix, c'est juste une dinguerie. Écoutez ça. Pépite. Oh, c'est non-stop. C'est l'After Fun Radio. After Fun Radio. l'After Fun Radio. Les plus grands DJ sont là, la preuve, avec Armin Van Buuren, avec Alok sur Euphoria. C'est comme ça que ça se passe dans l'After Fun Radio chaque soir entre 21h et minuit. Et chaque week-end dans Party Fun également, avec plein de DJ stars qui sont résidents, qui sont avec nous. Je pense à Lucas and Steve, je pense à Riab, à Timmy Trumpet, ou encore à celui qui arrive dans le prochain quart d'heure. Sam Felt sera de la partie avec Ten. On va l'écouter juste après Sound of Legend pour Moonlight Shadow. C'est Matt au platine de l'After Fun Radio. By a moonlight shadow, he passed on worried and warning.

L'émission numéro 1 sur la dance. L'After Fun Radio avec un instant l'un des plus grands DJ au monde, Calvin Harris, Ellie Goulding à ses côtés pour Miracle. Pour Miracle, remixé par le boss aussi en ce moment, un mot, puis remix exclusif pour l'After Fun Radio. Tous les soirs, 21h minuit. C'est l'After Fun Radio. Et tiens, il y a 24 heures, c'est Upsilon qui s'apprêtait à prendre les platines de l'After Fun Radio. Il y a le podcast à se faire dès maintenant gratuitement sur l'application Fun Radio. Upsilon, il arrive. Avec sa reprise de Cascada, Return We Touch, un classique de Insomnia aussi, Faceless. Et puis là, dès maintenant, Martin Garrix sur Fun. Tous les matins, après Bruno sur Fun Radio, c'est la suite. Alors dis-nous tout. Je vous présente Tino Tenda Poudou, qui a 7 ans, il vit dans un petit village au nord du Zimbabwe. Sauf qu'en fait, il se perd. Donc pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, le petit enfant de 7 ans, finalement survit dans cette nature hyper hostile. J'étais en train de penser à mes gosses, moi, qui ont 6 ans, les jumeaux, tu vois. Encore hier, ils voulaient un fromage, ils savaient pas où était le frigo, donc si tu veux... De 10h à midi, la suite avec Mika, Sohan et Lul sur Fun Radio. 17h56, 17h58, l'enfer le périph, 18h. Ne changez pas vos habitudes, allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Emmenez Fun Radio partout avec vous. Avec l'appli gratuite Fun Radio. Fun Radio. Endless oceans and hot bed there, tidal waves, close fist on the surface, but in our head lies someone strange. I know it's all a game, I've fallen all the same, get caught and swept away underneath the blue. Maybe it is far too late to have me hate you. Underneath the blue, underneath the blue. Too late to have me hate you. Underneath the blue, underneath the blue. Radio. Enjoy dance music. 23h, c'est la troisième heure de l'After Fun Radio, on est en direct. Tous les soirs, 21h minuit. C'est l'After Fun Radio. Ouais, il peut se passer quelque chose de très grand, les amis. Peut-être qu'on va vous offrir vos vacances direction Miami, vous et la personne de votre choix, pour aller voir Martin Garrix à l'Ultra Music Festival. Attention, si jamais avec Matt au platine, on joue deux sons de Martin Garrix à la suite, vous envoyez par SMS Fun au 74 900, et je sais déjà que Tolduso est prévu. Tolduso, Martin Garrix, on va l'écouter dans un instant, peut-être un deuxième juste derrière. Soyez prêts, les amis, ça peut être une dinguerie, cette histoire. Martin Garrix, donc, c'est calé. Mike Candice aussi, avec Faceless pour Insomnia, version spéciale Future Rave pour l'After Fun Radio. Et puis là, dès maintenant, celui qui était avec nous hier dans l'émission, Upsilon, à la tienne, avec Every Time We Touch, la reprise de Cascada. C'est une dinguerie, c'est maintenant pour vous. C'est l'After Fun Radio, en direct jusqu'à minuit. C'est l'After Fun Radio. I burned the hole in your mattress. Yes, yes, it was me. plead guilty. And as I count to three, I pull back my duvet. I make my way to the refrigerator. One dry potato inside. Rolling my diva bread jam. When the lights above my head went bam. I can't sleep. Something's all over me. Greasy insomnia. Please release me and let me dream about making mad love on the leaf. Tearing off tights with my teeth. But there's no reason I'm not awakened in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Fun Radio. Something in my body, something that's in my soul, tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't leave you sorry, if I just let this go. Don't wanna hear my heart say, I told you so. Okay, all night been looking all my life, trying to find something new. So lost, but I'll find my way tonight, and I know it's because of you. Something that's in my soul tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't leave this alone if I just let this go. Don't wanna hear my heart say I told you so. L'After Fun Radio. DJ in the bathroom. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck, fuck, get the fuck. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. The fuck? Let's go. Let's go. After Fun Radio avec l'hymne d'Ibiza, avec Jason Boyson, David Guetta pour Let's Go. Tiens d'ailleurs, le High à Ibiza et l'Ushuaïa qui ont dévoilé leur opening. Sur scène, il y aura notamment Paul Kalkbrenner, il y aura Miss Monique, il y aura aussi Amélie Lienz et plein d'autres stars de la dance à retrouver là-bas pour faire la fête ensemble tout l'été. L'été a déjà démarré ici sur Fun Radio tous les soirs, 21h minuit avec Mato Platine. On va retrouver Yuri Garde avec Call On Me. Le véritable phénomène mondial, Lola Young avec Messi, mais remixé, vous verrez, c'est la surprise du soir. Ce sera après Alan Walker avec Dancing in Love sur Fun. That won't end. days, nothing else feels the same. Hold on to it, never let it go. It's the eye of the hurricane, singing into the rain. If that's how it feels, then you know it takes. C'est un remix que vous découvrez dans l'After Fun Radio.

Le son de Regarde, eh ben c'est seulement à la radio. C'est seulement ici, dans l'After Fun Radio, chaque soir. Call on me. On se l'est fait grâce à Matt qui est là au platine entre 21h et minuit. Il ne s'arrête pas. Il est au taquet. Mais non. Depuis 21h, debout derrière les platines. Et il te reste encore une petite, une grande même demi-heure, mon Matt, avec notamment un closing qui se profile. Ouais, c'est ça. Closing, on va en reparler tout à l'heure. Mais là, il y a plein de belles choses pour vous, les copains. C'est la dernière grande ligne droite pour ce soir. Ouais, une belle demi-heure avec Zerb. Zerb, Ty Dolla Sign, Wiz Khalifa. Tout ça sur un seul et même son. C'est que des têtes d'affiche. Le son s'appelle Location et il est chamé. À découvrir absolument si vous ne le connaissez pas encore. Et puis là, dès maintenant, le DJ Fun Radio, Party Fun, Fun Radio Ibiza Experience, on le voit partout, il est avec nous presque tout le temps. Ouais. Riyab avec Mufasa, c'est un énorme tube. Hein. Sur cette petite planète bleue, on adore. Believe, Shooting Star, c'est maintenant pour vous. Découverte Fun Radio, évidemment. By a moon. Fun Radio. Seven oh Collins. Me in Miami and we ballin'. She let Dollar pull up as we mobbin'. Every time I'm in the city, we be locked in. Hey, locked in. Ball Harbor, take you shopping. Nikki Beach, we in the water. Free up, make it hotter. 2 a.m., we ended up at Lil. 3 a.m., we like 4 bottles in. 4 a.m., and I know which girls I'm taking home. Just spend, make our own, we don't follow the trends. 100 bottles on our own expense. Only live once, so we so lit. Let's take shots, don't miss. Pour them all out, then reload it. More drinks, more sips. More time getting spent on drunk texts. More things that I gotta confess. Let's be honest for once and own it. Lose ourselves and live in the moment. When they doubt, we just show them. Private plane, we just flown in. Baby, I'm just a L'émission référence de la dance, c'est ici, c'est chaque soir 21h minuit, l'After Fun Radio avec Teddy Swims remixé à l'instant avec The Door sur Fun. On va continuer ensemble jusqu'à minuit, c'est Matt au platine. Dans le prochain quart d'heure, il y aura un énorme classique qui va mettre tout le monde d'accord. Que vous soyez peut-être au boulot en mode nocturne, que vous soyez en soirée avec les potes, avec la mif, que vous soyez aussi en mode détente. Benassi Bros avec Illusion, c'est ce qui arrive juste après Robin Schulz et Cyril, l'un des amis de la maison. On écoute World Gone Wild sur Fun. Take me home. I'm gonna show you the queen of my castle. So

C'est le closing de l'After Fun Radio. See you tomorrow. This is the rhythm of the night. Of the night. Je vois que t'as toujours pas bossé l'anglais, toi, pour le coup. C'était le closing de l'After Fun Radio avec Matt au platine. Version Riab, Skytech et Beyond Kwanger. On adore cette version et c'est uniquement dans l'After Fun Radio pour terminer l'émission de ce soir. Ouais. Tous les soirs, 21h minuit. C'est l'After Fun Radio. Mais ne vous inquiétez pas parce que, deux bonnes nouvelles, le podcast de l'émission sera dispo sur funradio.fr et sur l'application Fun Radio. Et oui. Je pense à tous les sportifs, par exemple, là, qui veulent se motiver. Il n'y a pas de galère, les 3 heures sont là. Là, et tu vas faire ton footing, là. Et puis, on revient demain, dès 21h, et comme chaque soir, jusqu'à minuit, avec Matt au platine, avec Alex au micro. Avant nous, évidemment, direct d'Avoria tous les matins entre 6h et 10h, et ben, c'est la team de Bruno. Ouais. Et puis, jusqu'à 5000 euros à gagner grâce au jeu des 5000 à 7h10. De la thune, et en plus, vous allez rigoler. Voilà. Bisous, à demain, tout le monde. Accédez gratuitement à la meilleure playlist en téléchargeant l'appli Fun Radio. Bonjour Alexia. Salut Bruno, salut tout le monde. Tu m'as envoyé une facture de 599 €, c'est quoi? C'est une poussette double. T'es enceinte? Oui, je suis enceinte de 38 semaines. Et alors du coup, ça s'arrête là ou il y a un troisième après? Attends, elle a même pas accouché du second. Non mais des fois, tu sais, il y a des gens qui disent, ah bah tiens, nous on en veut 5, tu vois, c'est planifié, etc. quoi. Non mais du coup, je vous renverrai la facture pour la poussette triple. Oui, c'est ça. Ça se tente, t'as raison. Je viens de faire le virement sur ton compte. Ah super, merci beaucoup. Bruno sur Fun Radio revient demain dès 6h. Fun Radio. I forgive you now, it's time for me to Fun Radio. Et salut tout le monde, bienvenue sur Fun Radio, bien content de vous retrouver partout en France, c'est Théo, je vous accompagne toute la nuit avec la dance music de Fun et on enchaîne direct avec celui qui était notre invité hier soir, interview live, vous retrouvez tout ça sur funradio.fr, voici Epsilon. Enjoy. De bosser. Pour écouter vos sons préférés où vous voulez, téléchargez l'appli Fun Radio. We'll be right back. Fun Radio. Got the feeling you don't wanna wait. I don't let you want me to run. Radio. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing back. Offenbach, Hell to Dark, Knees and Toes sur Fun Radio, et puis on enchaîne direct avec celui qui sera en concert à Paris. Ça sera le 23 février prochain, Paris Accor Arena avec Fun Radio, et il y a moyen qu'on vous offre les dernières places dans les prochains jours sur Fun Radio, donc restez bien par là. Voici Pitbull et Bon Jovi, Now or Never, avant Gims.

écoutez, ça, c'est Fun Radio. Fun Radio. Enjoy. Dance. Music. Radio. MC Ménor. Fun Radio. De Camaro tem grife, mas cara roubou nem se fala. Me apaixonou. Na cama aí não tô pra relaxar. Forte pros parça, bigode, trote é o que elas quer dar. Chama a morena pra bate, ela é o destaque pro baile todo reparar. Morena do cabelo liso, não sou envolvido. Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar. Cavalo chave conversível, eu sei que cê quer isso. Eu mesmo que tá botando couro pra torar. Cavalo tá andando nas pistas, olha, todos vai se impressionar. Quando vê a mina pilotando o robô, sufocando Zé Pava, vai se perguntar. Essa mina de vermelho passou de robô, todo mundo quis ver. Ela que mexeu com o menor um vilão. Te conversível. Eu sei que cê quer isso. Eu mesmo, que tá botando o couro pra torar. A luta andando nas pistas, olha, todos vai se impressionar. Quando vê a mina pilotando o robô, sufocando o Zé Pova, vai se perguntar. Quem é essa mina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver. Ela, que mexeu com o menor do vilão. Son d'MC Mineur JP à l'instant sur Fun Radio. Belle nuit les amis, Dimitri Vegas arrive. Dimitri Vegas qu'on va retrouver à Fun Radio Ibiza Experience le 4 avril prochain à l'Accor Arena. Prenez les dernières places hein, sur Fun Radio Ibiza Experience.fr. Dimitri Vegas, Morten et James Hype et puis d'autres DJ qu'on vous annoncera très très bientôt. Juste avant, voici Pink et What About Us sur Fun. We are searchlights, we can see in the dark. We are right. Pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? What about us? What about us? What about us? And Fun Radio. Radio. Radio. Enjoy this music. Music. This is Fun Radio. Let me be a halo. Cause we've been through hell and back and all in one night. Let me be a halo. shopping your teeth. Fun Radio. Première radio dance. Oh, ah, elle me parle de New York, New York, pas comme Frank Sinatra. Entre nous c'est bouillon, bouillon, elle parle de ce qu'elle n'a pas. Regarde-moi dans les yeux, l'amour et la haine, je connais les deux. Je suis rentré dans sa tête, comment te passer de moi, je suis ton jeune bœuf. On connaît ton équipe, tes boogies, on grave à la masse. Heureuse comme dans Corrida, la petite ne veut pas une relation de master. Quand même peu que pour elle, la petite la souhaite ma bague. Ou elle souhaite la bague, mais j'ai pas utilisé my bague. Elle appelle sur mon tel avec un autre nu, c'est bizarre. Et comme chaque à la part, elle m'envoie des mais c'est bizarre. Je crois que la petite veut me faire un boulot. Elle veut faire un boulot. Et j'suis même pas désolé, même quand j'ai tort, j'sais que j'ai raison. J'entends mon fan résonner, mais j'lui dis que j'suis en manque de réseau. Elle s'en fout rien qu'elle m'appelle pour un boulot. Elle veut que j'lui fasse un boulot. Un boulot. Elle veut que j'lui fasse un boulot. En catimini, un catibino. J'emploie dans sa tête, elle fait que ruminer. J'arrive après minuit, j'en vends une tonne de ruina. Joue pas avec ma table, tu vas vite te ruiner. Ça blesse, ça blesse. On achète en full, toi t'attends que ça baisse. Elle peut plus m'oublier, j'emploie dans sa tête. En skinny, mais tu sais qu'on pèse. Et on m'a love. J'aime bien quand ça change, faut innover. J'en produis stupéfiant. Si t'abuses de moi, tu risques de faire une ode. N'a go to bayo motema. Dégâts sur toi, j'fais dégâts. Puissant quand j'démarre en full beauté. Gage, j'étends tout dégâts. Avec que je fais zéro débat. Elle appelle sur mon tel avec un autre nu, c'est bizarre. C'est bizarre. Et comme chaque à la part, elle m'envoie des mais c'est bizarre. C'est bizarre. Je crois que la petite veut me faire un boulot. J'ai elle veut faire un boulot. J'ai un boulot. Elle veut faire un boulot. Et je suis même pas désolé. Même quand j'ai tort, je sais que j'ai raison. J'entends mon fan résonner, mais je lui dis que je suis en manque de réseau. Elle s'en fout rien qu'elle m'appelle pour un boulot. Elle veut que je lui fasse un boulot. Un boulot. Elle veut que je lui fasse un boulot. Que blague.

Radio. Enjoy this music. Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. You are now rockin' with Will I am in Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo, rock it out, rock it now. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house, half, half. Hey, yo, turn it up and don't turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with Will I am in Britney, bitch. This night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, forever, forever, ever, ever, ever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. Shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. You are now rockin' with Will I Am in Britney, bitch. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Hey guys, it's Gabri Ponte. Intro this music. Ok, ya te vas conmoviendo, te siento. Sé que eres tú quien mueve la bandera. Esta noche podemos bailar. Sus latidos nos quieren llamar. ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento. Para decirte que alguien te espera. La noche nos lleva a bailar, bailar. Tiempo que ya te vas conmoviendo, te siento. Sé que eres tú quien mueve la bandera. Esta Fun Radio. Et si vous venez d'arriver à l'instant sur Fun Radio, soyez tous les bienvenus. Je dois être filé qui arrive, Félix Jane et celui qu'on a reçu en interview. C'était trop bien, c'était début janvier. Vous retrouvez ça sur funradio.fr. Voici David Guetta, Alpha V, Lavamax et le Forever Young. Il est 1h du mat. Radio. Enjoy dance music. Close your eyes, make a wish. When life ain't easy, remember this. Just close your eyes and make a wish. All the troubles can be fixed. Close your eyes, make a wish. When life ain't easy, remember this. Just close your eyes and make a wish. I wanna be with you. Just éteint, y'a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4matic. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. Je ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé, money, pay me. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Baby, j'ai le tal, vini. Vini, vini, pas me. Drive en Lamborghini. J'ai une sous sa campé. Bamele, bamele. J'ai des vengeances, des cabis à plus les compter. Je remercie des parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y'aura trop de débats. Allez, trop talent. Depuis le vent de rose, il n'y a trop talent. Spenet m'a dit je t'aime, mais c'est trop marrant. Cette bitch m'a dit je t'aime, mais c'est trop marrant. Et c'est trop marrant. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. La la la, yo Judas. Précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. La la la, baby, j'ai le temps, vini. Vini, vini, pas timide. Drive en Lamborghini. J'ai une sous sa campé. Bamele, bamele. Bamele, bamele. J'ai une sous sa campé. Baby, j'ai le temps, vini. Vini, vini, pas timide. Drive en Lamborghini. J'ai une sous sa campé. Bamele, bamele. Full BBL, baby. Sous sa campé. Ça, c'est Fun Radio. Fun Radio. Enjoy Dance Music. Som hennes hjärta sitter och taggar. Och när hon kommer vet exakt vad hon söker. Jag behöver ingen stress, kalla hellre henne ex. Man är fuck alla ex. Hon vet jag älskar hela orten för mycket mannen. Du stöter med den där favorittabben. Älskar 180 lukten, lika mycket som 415 i luften. Finns en grej med tugget. Cause we're living life at a different pace. Stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be cancelling all our plans. And not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays. And then we'll go all night, two-stepping with a woman I love. All my troubles standing up them when I'm in your eyes. Electrified, we'll keep turning up and go all night. And we had dips and falls in our time, but we know what it feels to be low then up, alone then love. And all we need is us to go on. Night, night, two-stepping with a woman I love. Night, yeah, all we need is us. It's like a bad dream. I thought that me and you was meant to see the seven seas. Why would you let somebody between us? Now I got many reasons for it not to be us. Every time dark night rises, you my sunshine. Tell me what goes up that doesn't go down. We supposed to grow up, but she's too cold now. Why she even play me? Yeah, you crazy. But her love is a different type of drug. She made a gangster fall in love. I feel dumb and my heart is numb. You wanna get a picture from a thug, gang? One cousin a chain, who would even fucking believe me? Not if he need to see me. You go all night, just stepping with a woman I love. All my troubles standing up, and when I'm in your eyes, electrified. Turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it means to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night, night. Two stepping with a woman I love. Night, yeah. All we need is us to go all night, night, night. Two stepping with a woman I love. Fun Radio. You and I, we were living fast, but we were running blind. Kept putting all our feelings into overdrive. Until the love ran out, I know it's true. I know it's true. Try to shut you out. Deleted all the memories and the photographs. But everything I do somehow, it never lasts. Get you off my mind, love myself tonight. I'm going now. I'm going now. I'm going now. Tell me how. Took a second just to tear it down. Never thought that we could ever work it out. But we're better not together, yeah, it's true. Hey, that is true. So I'm going out. I'm gonna dance alone till I let you go. Oh, I'm going out to get you off my mind. Love myself tonight. Tivoki, Sam Felt, Neil Rogers, I'm going out à l'instant sur Fun Radio. J'adore ce qui arrive, les amis. On va s'écouter le tout nouveau morceau de Petit Biscuit. Ouais, c'est lui qui avait sorti le morceau Sunset Lover il y a quelques années, le tout nouveau avec Surf Mesa, c'est Without You. Juste après Sound of Legend et le son de Karol G. Karol G pour vous souhaiter une belle nuit avec la dance music de Fun Radio. No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, como amigos, ey, y yo te... tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Yo hubiera sido. Mon nom est Sound of Legend et ça. This is Fun Radio. Fun Radio. Enjoy dance music. The last that ever she saw him. Carried away by a moonlight shadow. He passed on worried and warning. Carried away by a moonlight shadow. Lost in a windless Saturday night. Far away on the other side. He was cold in the middle of a desperate fight. And she couldn't find how to go smooth. By a moonlight shadow. Carried away by a moonlight shadow. Radio. Enjoy this music. This is fun. We are stars. We are one. We light up the night like a black sun. We all shine. We are chrome. And we are shimmering. Turn on, turn on. Turn on. Play it loud. We don't Radio. Enjoy. Enjoy this music. Fun. For a lifetime, for lightning to strike me. Daydreams, feels like I've been sending out the signals, hoping that you'll find me. I don't need the details, you don't need to tell me. It's like I already know where you'll be. You and me, we were lovers in a past life. So Radio. Petit Biscuit, Surf Mesa et JP Sykes. Fun Radio. I try to redirect my focus to keep you off my mind. Somehow in everything I notice, a little bit of you that you left behind. It's burning up in the light. Told me it's time I find out. Without you, can't figure out what would I do. I hate this, but I have to. No more bluffing, here goes nothing. Who would I be without you? Without you. Without you. Without you. I'm alright now. When I'm home and then I'm reaching out. And in the morning feeling 6 feet down. Trying to hold on. Who would I be without you? Can't figure out what would I do. I hate this but I have to. No more bluffing, here goes nothing. Who would I be without you? Without you. Without you. Without you. Who would I be without you? Without you. Ça s'appelle Without You et c'est le nouveau morceau de Petit Biscuit à l'instant sur Fun Radio. Nouveau cadeau à gagner dans le jeu des 30 secondes à partir de 6h avec Bruno sur Fun Radio à 8h10, le jeu des 30 secondes MacBook Air. Soyez bien là tout à l'heure. Et puis là, on enchaîne Dance Music toute la nuit sur Fun Radio. Robin Schulz, Cyril, juste après Purple Disco Machine et Dopamine sur Fun. Fun Radio. Talking outside till the sunrise. We stood on